Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. De ceux de la nouvelle vague, des critiques jeunes turcs des cahiers du cinéma, cinq noms se détachent. Romer, Truffaut, Chabrol, Godard, Rivette. En disparaissant en janvier 2016, Jacques Rivette laisse Godard un peu plus seul encore. En 1966, Rivette présentait au Festival de Cannes son deuxième long-métrage, La religieuse d'après Diderot. Un film interdit, censuré d'une manière incompréhensible par un pouvoir gaulliste en fin de vie. Deux ans plus tard, en 68, tout aussi incompréhensible, ce sera l'affaire Langlois à la Cinémathèque, juste avant que ne vienne le joli mois de mai. En 66, depuis Cannes, Jacques Rivette parlait de Diderot, de son film, des questions posées par l'adaptation d'une œuvre littéraire et de l'avenir du cinéma. Jacques Rivette, vous présentez aujourd'hui à Cannes votre film La religieuse qui a fait couler beaucoup d'encre. Et il y a quand même quelque chose d'assez étrange car cette œuvre de Diderot s'élevait contre l'arbitraire et la voilà deux siècles après victime de l'arbitraire en somme. Quelle est votre opinion sur la question ? Je trouve que vous venez de résumer remarquablement la situation. Mais pourquoi ça devient un monologue absolu ? Non, je vous expliquerai. Oui, enfin, remarquez, je vous fais confiance. Non. Jacques Rivette, vous vivez avec cette religieuse une aventure à peu près analogue, je crois, à celle que Diderot a vécue, en somme, à son époque. Voudriez-vous me parler de cela ? Il est en effet assez curieux de remarquer que le sujet de la religieuse était, enfin, d'une certaine façon, si on peut le résumer très grossièrement, l'arbitraire. Et que le film est actuellement soumis à un régime que l'on peut aussi, je crois, qualifier d'arbitraire, sans avoir peur des mots. Parfois, c'est une coïncidence que nous n'avions évidemment absolument pas cherché, absolument pas voulu. Elle est amusante un petit moment. Je crois que si elle se prolongeait trop longtemps, elle cesserait d'être drôle. On peut penser, je crois, que l'œuvre de Diderot était un livre libertin au sens 18e siècle du terme. Est-ce que vous avez fait, vous, un film libertin, dans le même esprit ? Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui pensent que le livre de Diderot est un livre libertin. C'est un livre, en fait, beaucoup plus grave que ce que l'on a l'habitude d'appeler par le terme de littérature libertine. C'est un livre extrêmement sérieux que Diderot a écrit, pas du tout dans le même esprit où il avait écrit par exemple Les bijoux indiscrets, mais au contraire, beaucoup plus sous l'influence des romans de Richardson. Et s'il y a effectivement dans ce livre 3 ou 4 pages érotiques, sur les qui d'ailleurs ce sont les seules pages dont on se souvienne, en fait il n'y en a que 4 ou 5 sur un livre qui fait 200 pages, ces pages ont un sens très précis à l'intérieur d'une histoire. Et les séparer de l'ensemble de l'histoire, c'est évidemment leur enlever complètement le sens qu'elles ont. Vous avez choisi Diderot et une œuvre au fond peu connue de lui. Le grand public n'avait pas lu La religieuse. Pourquoi ? Il n'y a plus de jeunes auteurs de cinéma actuellement qui puissent vous écrire des scénarios originaux et de qualité ? Si j'ai choisi Diderot, ce n'est pas du tout par mépris des jeunes auteurs ou de la littérature contemporaine. Vous savez, moi je crois que de toute façon Diderot est un jeune auteur. C'est même certainement un des plus jeunes auteurs de la littérature française dans la mesure où son œuvre est effectivement, les titres en sont assez connus, mais elle est relativement peu lue. Je crois que jusqu'à un temps récent, La religieuse était un livre dont le titre était célèbre mais que presque personne n'avait lu. Et il en est de même d'une très grande partie du reste de l'œuvre de Diderot, qui est une œuvre d'ailleurs très mal publié encore à l'heure actuelle, puisqu'il n'existe même pas d'édition des œuvres complètes de Diderot digne de ce nom. Je crois que Diderot est un auteur qui a encore beaucoup à nous dire, à nous apprendre, et que c'est un homme qui dépassait son époque de façon considérable. Il y a en lui beaucoup de choses qui annoncent le 19e siècle, que ce soit, il y a des sortes de pressentiments, par exemple, de la dialectique de Hegel, de Marx, et il y a même des pressentiments de certaines choses que nous découvrons seulement aujourd'hui sur les rapports des arts les uns aux autres, on pourrait même appeler, il y a un certain pressentiment du structuralisme dans certaines pages de Diderot. Enfin, il y a tout dans Diderot, c'est un monde, je crois que c'est vraiment un auteur d'avenir. Est-ce que vous pensez que Diderot était ce qu'on appelle un honnête homme? Le mot d'honnête homme, s'il a un sens, s'applique, je crois, exactement à ce qu'était Diderot. Enfin, autant qu'on puisse en juger d'après les témoignages de ses contemporains, d'après les récits et d'après le ton surtout de sa correspondance, qui est une chose qui ne trompe pas. C'était, semble-t-il, un homme extrêmement vivant, vivant dans tous les sens, un bon vivant d'ailleurs, comme on dit, mais aussi un vivant entier, qui s'intéressait passionnément à tout, qui vibrait à tout, qui était capable de passer du rire aux larmes dans la minute, et qui avait un don de sympathie extraordinaire envers tous les sujets, envers tous les problèmes, envers tous les êtres humains. C'est justement une des choses qui font que Diderot est un homme tellement attachant à partir du moment où on commence à s'intéresser à lui. Et c'est pourquoi la correspondance de Diderot est peut-être d'une certaine façon son œuvre, non pas la plus accomplie. Ça, c'est un petit peu un défaut des modernes de préférer les œuvres inachevées aux œuvres achevées, mais en tout cas la plus passionnante pour nous, parce que celle où on le sent le plus présent. Est-ce que vous pourriez me donner une définition alors de l'honnête homme du XXe siècle? Est-ce qu'il ressemble à ce qu'était Diderot ou est-ce qu'il est différent? Je crois que l'honnête homme du XXe siècle, s'il pouvait prendre exemple sur Diderot, n'aurait pas trop à le regretter. Il s'agit évidemment d'adapter au XXe siècle les tournures d'esprit et le don de sympathie que Diderot portait envers les problèmes de son siècle. Nos problèmes ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui se posaient à Diderot et ses contemporains, encore qu'ils ne soient pas si éloignés sur certains plans de beaucoup de ces problèmes. Mais cela dit, le don de sympathie, le don de vibrer à tout justement, toutes les idées qui courent dans l'air ambiant, ça je crois que ce sont des choses qui peuvent définir toujours l'honnête homme d'aujourd'hui. D'après ce que j'en sais, vous auriez fait un film assez violent. Ah non, moi je ne pense pas avoir fait un film violent, je crois au contraire que j'ai fait un film relativement doux à partir d'un livre qui était d'une certaine façon beaucoup plus excessif que le film que j'ai réalisé. Enfin, je veux dire excessif dans la mesure où Diderot a écrit quand même un livre qui annonce beaucoup le roman noir de l'époque, et ce côté justement roman noir, je l'ai personnellement un peu gommé, à la fois par tempérament personnel et parce que, dans la mesure où je centrais davantage l'histoire sur le personnage même de Suzanne Simonin, certaines choses tombaient d'elles-mêmes, enfin les histoires annexes, les réflexions qu'il y a autour. C'est devenu un film relativement plus élégiaque, toute proportion gardée, alors que le roman était plutôt un roman frénétique, entre guillemets. Vous êtes un metteur en scène qui produisait peu. Vous avez produit un court-métrage, vous avez produit un long-métrage et voici La Religieuse. Je pense donc que vous êtes un metteur en scène qui prenait le temps de penser à ce que vous faites. Est-ce que c'est une chose importante parmi les jeunes metteurs en scène du XXe siècle, ce grand temps mis volontairement à réfléchir sur ce qu'on va faire au lieu de faire deux films par an, n'importe quoi. Vous savez, si j'ai fait qu'un court-métrage et deux longs-métrages en 10 ans, ce n'est pas uniquement à cause du temps de réflexion. Le temps de réflexion, c'est surtout celui que les événements, pour employer un terme général, m'ont accordé, parce qu'en fait, le travail même de réflexion sur La Religieuse avait été fait en 6 mois, et que depuis les 4 ans qui se sont écoulés depuis, ont été plutôt du temps passé à essayer de monter l'affaire. Je ne dis pas que ça a été un temps entièrement perdu, parce que dans la mesure où on passe 4 ans à essayer à réfléchir à un projet, ce projet se modifie un petit peu, mais pas profondément. C'est malheureusement davantage les circonstances qu'autre chose qui ont fait que ce très long délai entre un film et l'autre. Moi, je ne crois pas que le temps ait quoi que ce soit à faire avec l'intensité de la réflexion. Enfin, la meilleure preuve, m'en semble être justement les films de Jean-Luc Godard. Je crois que Jean-Luc Godard, qui tourne parfois 3 longs-métrages par an, réfléchit davantage à ses films que d'autres metteurs en scène qui pourraient ne faire qu'un film tous les 10 ans. Il s'agit de réfléchir bien plutôt que de réfléchir longtemps. Comment pensez-vous que peut évoluer le cinéma dans la seconde partie du XXe siècle, avec toute cette équipe de jeunes dont vous faites partie? Si je savais comment va évoluer le cinéma, je serais bien malin, bien avancé, et je m'empresserai de ne pas vous le dire et de garder le secret pour moi. Malheureusement, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que... Enfin, ce qui me semble évident, et ce qui est évident à toutes les personnes qui voient quelques films aujourd'hui, c'est que le cinéma bouge considérablement, non pas seulement en France, mais surtout dans beaucoup de pays, comme les pays de l'Est, comme des jeunes pays cinématographiques, comme le Brésil, le Canada, et puis évidemment l'Italie, qui est déjà un pays de vieille tradition, et qu'il y a un énorme bouillonnement de jeunes metteurs en scène qui est très très passionnant, mais qui on ne peut pas encore très bien savoir dans quel sens ça va, parce que c'est heureusement assez contradictoire. Ça reste donc quelque chose de très spontané, de très vivant. Je crois que le cinéma donne l'impression en ce moment de s'orienter vers quelque chose de plus spontané, de moins élaboré extérieurement que le cinéma d'il y a 10 ans. Je ne dis pas que ce sont des films moins réfléchis, moins élaborés, mais qui auront, je crois, tous en commun quelque chose de plus immédiat, de plus jaillissant, tout au moins dans l'impression qu'ils essaieront de donner sur le spectateur, même si cette impression de jaillissement est obtenue par un long travail caché du metteur en scène. Est-ce que vous pensez que le cinéma est un outil en faveur de l'humanisme du XXe siècle ? Le cinéma, je pense profondément, sinon je ne m'y intéresserai pas, est un art exactement comme les autres, sur le même plan que tous les autres moyens d'expression. C'est donc un outil extraordinaire pour toutes les formes d'humanisme. C'est au cinéaste d'essayer d'en user le mieux possible, suivant leurs moyens et suivant les moyens que l'on met à leur disposition. Il y a un proverbe italien, je connais mal l'italien, mais qui dit « traduttore traditore », autrement dit, vous qui prenez une œuvre d'un auteur, est-ce que vous trouvez facilement, est-ce que vous ne le risquez pas de le trahir en quelque sorte en l'adaptant à une nouvelle forme qui n'existait pas, à savoir le cinéma, par exemple au temps de Diderot? Je crois que toute adaptation, même la plus fidèle, est obligatoirement une trahison. Mais c'est justement ça qui en fait l'intérêt. En même temps, c'est justement, il y a une sorte de jeu plus ou moins subtil entre une apparente fidélité littérale et une obligatoire infidélité, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de... Le fait même de choisir tel acteur pour jouer tel personnage, le fait même de tourner avec tel dans tel décor, qui souvent n'est pas celui d'ailleurs que l'on avait envisagé au départ, tout ça amène forcément des éléments de modification, de transformation, de métamorphose, et puis n'importe quel cinéaste, même malgré lui, apporte forcément un petit peu de son tempérament, même dans l'œuvre la plus, justement, qui se voudrait la plus transparente et la plus anonyme possible. Et je crois qu'en même temps, c'est ce qui peut faire l'intérêt d'une adaptation. Je crois que l'adaptation de La Religieuse, mais même la même adaptation telle que nous l'avons faite, Jean Gruyot et moi, de La Religieuse filmée par d'autres cinéastes, aurait donné des films complètement différents. Enfin, il suffit de penser, c'est même très séduisant d'ailleurs, d'y penser à ce qu'aurait fait de La Religieuse des cinéastes comme Rossellini, comme Buñuel, ou comme Bresson, pour imaginer aussitôt 3 films complètement différents qui auraient d'ailleurs été certainement 3 films très, très passionnants à voir. Je regrette beaucoup de ne pas les voir moi-même. Une fois que le cinéaste a accompli son œuvre, est-ce qu'il a l'impression, comme le romancier, que l'accouchement est terminé et qu'il pense à autre chose, ou est-ce qu'il y a encore des séquelles qui traînent comme cela derrière lui, de ce qu'il a fait ? Je crois que quand on vient de terminer un film, on a effectivement le grand désir de ne plus en entendre parler et d'essayer de modifier complètement son horizon et le système d'idées dans lequel on s'est forcément enfermé pendant le temps où on travaillait à ce film. Malheureusement, là, les circonstances, de toute façon, le cinéaste est toujours obligé de faire un petit travail de bonimenteur et de propagandiste autour du film qu'il vient de faire, ça fait partie du métier, et en plus là les circonstances font que nous sommes, il est très très difficile dans ce moment de nous délier, de nous délivrer de ce film de La Religieuse pour les raisons que vous connaissez vous-même. Êtes-vous un optimiste ? Oh, je pense que je suis plutôt optimiste, j'ai plutôt tendance à penser que les choses que le temps est un phénomène positif et qu'il amènera, quoi qu'il en soit, une évolution qui, comme elle sera une évolution normale, sera forcément une évolution bonne, même si elle semble mauvaise au premier abord. Bon, avez-vous quelque chose d'autre vous-même que vous vouliez dire ? Non. Moi, je crois qu'on a fait à peu près très le tour de la question. Ça vous allait ? Bon, très bien. Merci, Jacques-Élène. Entretien avec Jacques Rivette à propos de la religieuse a été diffusé pour la première fois le 1er mai 1966. Vous pouvez réécouter cette émission à volonté et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.